Chapitre 13e. Théâtre, Beaux-Arts, Délicatesse, Trembleur Big Bone, Leak, Visite du Président. Le théâtre de Cincinnati est petit et n'est pas bien brillant en décoration. Mais en l'absence d'autres amusements, nos jeunes gens le fréquentaient souvent. Et pendant les nuits brillantes et claires de l'automne et de l'hiver, le mille et demi qui nous séparait de la ville n'était pas assez pour empêcher les membres les plus entreprenants de notre famille de les accompagner quelquefois. Le talent des directeurs, M. et Mrs. Drake, était pour nous un puissant aimant. Rien ne pouvait être plus différent que leur rôle, mais souvent la grande variété de leurs talents leur permettait de jouer ensemble. Mrs. Drake réussissait dans la haute tragédie et son mari dans la comédie familière. Mais cependant, je les ai vus changer de rôle pendant toute une soirée, et le mari nous faisait pleurer, tandis que la femme nous faisait rire, suivant leur bon plaisir. Je crois que dans la comédie, Drake était supérieur à tous les acteurs que j'ai vus, si j'en excepte Emery. Alexandre Drake ressemblait à certains acteurs français qui paraissent ne pas jouer du tout. Il était extrêmement comique, et quelle que fût la pièce dans laquelle il jouait, depuis Shakespeare jusqu'à Coleman, il était impossible de ne pas s'apercevoir que la moitié des farces était de sa composition. Il avait aussi à un haut degré la faculté que possédait Fawcett, celle de livrer des larmes par un mot qui peignait le sentiment. Ses chansons comiques auraient pu défier la gravité d'un tribunal ou d'un conclave. Liston a beaucoup de talent, mais Alexandre Drake en avait davantage. Mrs. Drake, autrefois Miss Denny, ressemblait beaucoup à Miss O'Neill. La preuve en est que M. Keane, qui avait entendu parler de cette ressemblance, arrivant à New York, tard dans la soirée, et s'étant rendu à la salle de spectacle, la vit pour la première fois sous le théâtre, et s'écria aussitôt « Voilà Miss Denny !» Sa voix avait aussi les sons touchants et sonores de celle de Miss O'Neill, mais elle avait plus de force. Elle possédait enfin un talent accompli, beaucoup de sentiments, un jugement correct, et le goût le plus parfait la distinguait dans tous ses rôles. Dans le dernier acte de Bedwidera, elle produisait des effets tragiques supérieurs à tout ce que j'ai vu, si l'on en excepte l'actrice qui est hors de toute comparaison, l'inimitable Mrs. Siddons. Il était pénible de voir ces excellents acteurs jouer sur un misérable théâtre, qui n'était pas à moitié plein, et dans la quantité des spectateurs, il n'y avait peut-être pas une douzaine de personnes qui préférassent leur jeu à celui des plus médiocres acteurs ambulants. Pour preuve de ce que j'avance, je dirais que je les ai vus, comme directeurs, céder la place à de mauvais acteurs de troisième classe venant de Londres qui attiraient aussitôt la foule et étaient couverts d'applaudissements. Le pauvre Drake mourut peu de temps avant que nous quittassions l'Ohio et il laissa sa femme, qui outre ses mérites comme actrice, est une femme aussi sage qu'aimable, avec une nombreuse famille. Je crois, et je suis même sûr, que je pourrais obtenir pour elle de grands avantages à Londres. Mais ayant des actions dans plusieurs théâtres de l'Ouest, je crains qu'elle ne soit forcée de rester dans un pays où elle n'est ni comprise ni appréciée. Elle me raconta plusieurs excellentes anecdotes caractéristiques qu'elle avait recueillies pendant son séjour dans l'Ouest. Une de ces anecdotes m'amusa particulièrement comme étant un échantillon de l'idiome de ce pays. Une dame, qui professait une grande admiration pour Mrs. Drake, avait obtenu la permission d'être une fois présente à sa toilette théâtrale. Mrs. Drake s'habillait pour un rôle dans lequel elle devait se poignarder. La dame américaine prit avec une grande émotion le poignard en s'écriant « Quoi ? Vous plongez-vous réellement ce poignard dans le cœur ?» Nous vîmes aussi l'étoile de l'Amérique, M. Forrest. Je ne puis prophétiser ce qu'il deviendra un jour, mais lorsque je le vis jouer Hamlet à Cincinnati, Mrs. Drake elle-même, qui remplissait le rôle de la douce Ophélia, ne put me retenir jusqu'au troisième acte. Il est vrai que j'avais vu Campbell, Macready, Keane, Young, Charles Campbell, Cook et Talma jouer Hamlet, et que j'étais peut-être un juge trop sévère des mérites de ce jeune acteur. Mais je m'amusais beaucoup lorsqu'un monsieur, qui me demandait mon opinion sur Forrest, reprit, après avoir entendu ma réponse, qu'il ne me conseille pas de parler en Amérique librement de cet acteur, qu'on ne le souffrirait pas. La troupe du théâtre de Cincinnati n'était donc pas trop mauvaise, quoique la médiocrité des recettes y rendît toute élégance impossible. Mais un ennui infiniment plus grand que celui d'avoir sous les yeux des décorations peu propres, c'était le ton des auditeurs. Des hommes arrivaient aux premières loges sans habits, et j'en ai vu dont les manches de chemise étaient relevées jusqu'à l'épaule. L'expectoration était continuelle, et l'odeur mêlée des oignons et du whisky faisait payer cher l'envie d'admirer le talent de Drake. Il est impossible de décrire les manières et les attitudes des Américains au spectacle, les pieds élevés plus haut que la tête, la partie postérieure montrée entièrement à l'auditoire, et le corps couché sur les banquettes, tels sont les points de vue que ces maîtres passés en attitude grotesque offrent à chaque instant. Le bruit ne cesse pas dans ces sortes de réunions, et il est du genre le plus fatigant. Les applaudissements sont exprimés par des cris et des frappements de pieds, et lorsqu'un accès patriotique saisit l'assemblée et qu'on demande le Yankee Doodle, chaque homme croit que sa réputation de citoyen dépend du bruit qu'il fait entendre. Deux figurantes assez médiocres, qui arrivaient probablement de l'ambigu ou de la gaieté, parurent à Cincinnati tandis que nous y étions encore. Je crois que si Mercure s'était élancé du ciel pour danser sur la terre un pas seul, il n'aurait pas produit une plus violente sensation. Mais la surprise et l'admiration ne furent pas les seuls sentiments qu'elles excitèrent. Elles produisirent au même degré l'horreur et l'effroi. Personne ne doutait, j'en suis sûr, qu'elles ne fussent d'admirables danseuses, mais tout le monde convenait en même temps que la morale de l'Ouest ne se relèverait jamais du choc qu'elle lui avait porté. Lorsqu'on me demandait si déjà j'avais vu quelque chose d'aussi affreux, j'étais embarrassé pour répondre, car ces deux jeunes actrices, pour satisfaire le goût du pays, avaient été fort prudentes dans leur costume et dans leur danse. Mais si c'était Virginie dans sa toilette la plus transparente ou Taglioni dans ses plus admirables pirouettes, on n'aurait pas pu se scandaliser davantage. Les dames encore abandonnèrent le théâtre, les hommes détournaient la conversation lorsque ce sujet était mis sur le tapis, le clergé dénonça les figurantes enchères. Et si les danseuses furent nommées dans les assemblées des saints, ce fut pour provoquer l'horreur qu'elles inspiraient. Je ne pus m'empêcher de me demander à moi-même si la vertu est une plante croissant sous une forme dans un pays et florissant sous une forme différente dans un autre. Si ces Américains de l'Ouest ont raison, combien nous avons horriblement tort. C'est vraiment un sujet fort embarrassant. Mais ce ne fut pas le seul sujet sur lequel je trouvais mes notions du bien ou du mal totalement confondues. Il se passait à peine un jour sans qu'une chose ou une autre, que j'avais jusqu'alors regardée comme aussi simple que l'action de manger, fut jugée épouvantable par ceux qui m'entouraient. Plusieurs mots auxquels je n'avais jamais entendu attacher la moindre signification blâmable étaient tout à fait interdits, et pour les exprimer, on se servait des périphrases les plus étranges. J'avoue que j'étais frappé de toutes ces différences, car malgré une raideur de manière qui surpasse, j'en suis sûr, celle des scribes et des pharisiens, les Américains ont une imagination qui s'enflamme avec une alarmante facilité. Je pourrais citer bien des anecdotes à l'appui de ce que j'avance, je me contenterai de quelques-unes. Un jeune Allemand, dont les manières étaient parfaitement distinguées, vint une fois chez moi très chagrin d'avoir offensé une des principales familles du voisinage en prononçant le mot corset devant les dames. Une vieille amie, ayant vaincu charitablement sa répugnance à parler de semblables choses, lui avait appris la cause de la froideur qu'il remarquait, et lui avait conseillé fortement de faire des excuses. Le jeune homme m'assura qu'il était tout à fait disposé à en faire, mais qu'il était bien embarrassé pour les exprimer. Une Anglaise qui avait tenu très longtemps une élégante pension dans une ville d'Amérique me racontait que ses premiers soins envers chaque nouvel élève étaient d'essayer de substituer une délicatesse réelle à cette sévérité affectée de manière. Entre autres anecdotes, elle me raconta qu'une jeune demoiselle d'environ 14 ans, entrant dans un salon où elle croyait seulement trouver une dame qui l'avait fait demander, et voyant avec elle un jeune homme, mit ses deux mains devant ses yeux et se sauva en s'écriant « Un homme, un homme, un homme !» Dans une autre occasion, une des jeunes pensionnaires, en montant l'escalier pour se rendre à la salle de dessin, rencontra par malheur un garçon de 14 ans descendant le même escalier. Ses sentiments de délicatesse furent si violemment agités qu'elle s'arrêta tremblante et se mit bientôt à sangloter, et ne voulut pas passer jusqu'à ce que ce jeune homme eût remonté jusqu'au dernier étage afin de laisser le passage libre. Il y a à Cincinnati un jardin où l'on va prendre des glaces et admirer des roses. Pour la conservation de ces fleurs, on a placé à l'extrémité d'une allée une espèce de poteau sur lequel on a représenté une paysanne suisse tenant dans sa main une inscription par laquelle elle prie qu'on ne cueille pas les roses. Malheureusement pour l'artiste ou pour le propriétaire, et même pour les deux, le jupon de cette paysanne était assez court pour montrer ses chevilles. Les dames s'en aperçurent et frissonnèrent. Elles firent savoir au propriétaire que s'il désirait conserver le patronage des dames de Cincinnati, il fallait allonger les jupons de sa paysanne. Le pourvoyeur de glace, effrayé, envoya aussitôt chercher l'artiste. Il vint, mais par malheur il n'avait point apporté de couleur semblable à celle du jupon. La nécessité, néanmoins, était urgente, et une raie bleue fut ajoutée au jupon rouge, donnant aux yeux de tous une preuve de la délicatesse immaculée des dames de Cincinnati. J'avoue que j'étais quelquefois tenté de soupçonner que cet excès de pureté n'était pas très profondément enraciné dans le cœur. Il me semblait que ce n'était qu'un voile, cherchant souvent à cacher la grossièreté, mais ce voile n'était jamais ajusté avec grâce. Quelquefois, la même personne, qui avait été près de s'évanouir à l'idée d'une statue, laissait échapper quelques saillies assez fortes, et qui me faisait penser que l'indélicatesse dont nous étions accusés avait ses limites. L'anecdote suivante mérite à peine d'être racontée, mais elle explique trop bien ce que je veux dire pour être oubliée. Une jeune femme mariée, de bonne famille et d'une fastidieuse délicatesse, ayant été élevée dans un pensionnat d'une haute réputation, me dit un jour que sa maison, éloignée d'environ 1 mile d'une ville populeuse, était malheureusement située en face d'une habitation dont la réputation n'était rien moins que douteuse. « C'est abominable, disait-elle, de voir les gens qui se rendent dans cette affreuse demeure. Ils mériteraient d'être exposés. » Un jour de l'été dernier, avec une de mes amies, j'ai rendu un de ces visiteurs assez honteux. Cette amie passait la journée avec moi, et tandis que nous étions assises à la fenêtre, nous vîmes un monsieur de notre connaissance qui se rendait à cheval dans cette maison. Nous nous promenâmes dans le jardin et nous attendîmes son retour. Lorsqu'il parut, nous allâmes, mon ami et moi, à sa rencontre et je lui dis « N'avez-vous pas honte, monsieur William, de passer devant ma maison et de revenir sur vos pas sans entrer ? Je n'ai jamais vu de ma vie un homme avoir l'air plus sot. » En causant avec des Américaines sur les coutumes et les manières de l'Europe, je remarquai qu'elles avaient une grande propension à juger sévèrement toutes les choses auxquelles elles n'étaient pas habituées. Je dis un jour à une jeune dame qu'il me semblait qu'un pique-nique serait une chose très agréable et que j'en proposerais un à quelques-unes de nos amies. Elle avoua que ce serait délicieux, mais elle ajouta « Je crains que vous ne réussissiez pas. Nous n'avons pas ici l'habitude de ces sortes de parties et je sais qu'on trouve fort inconvenant que des messieurs et des dames s'assoient ensemble sur l'herbe. » Je pourrais citer à l'infini des anecdotes de cette nature, mais je suppose que celles-ci suffisent pour donner une idée des manières américaines et de la prétention des dames à une extrême délicatesse, ainsi que pour justifier les observations que j'ai faites. Un des spectacles qui nous causa le plus de surprise fut la simplicité républicaine des cours de justice. Nous avions entendu dire que les juges se permettaient sur les bancs ces attitudes que sans doute une conformation particulière aux Américains leur rend si commodes. Nous voulions en juger par nous-mêmes, et nous entrâmes dans la salle d'audience au moment où 3 magistrats étaient dans leur stalle. Celui du milieu avait les pieds au niveau de la tête, les jambes étaient appuyées sur une balustrade, les 2 autres dormaient ou en avaient l'air, ils étaient couchés dans différentes positions. Notre hiver se passa rapidement et d'une manière assez agréable. Nous fîmes beaucoup de promenades sur la neige, nos messieurs rendirent visite au Big Bone Lake, au Trembleur, nous jouâmes aux échecs, nous lûmes beaucoup, et comme je l'ai dit, le temps se passa rapidement, bien que nous fussions dans les forêts les plus lointaines de l'Amérique de l'Ouest. L'excursion au Big Bone Lake dans le Kentucky et celle au village des Quakers étaient trop fatigantes pour des femmes dans une semblable saison, mais nos messieurs nous rapportèrent des os de mammouth et une multitude d'histoires sur les Trembleurs. Cette secte singulière offre une preuve évidente en Amérique que les communautés peuvent exister et prospérer, car ils observent strictement les règles de la société depuis de nombreuses années et ses richesses augmentent chaque jour. Ces Quakers ont formé 2 ou 3 communautés différentes dans différentes parties des États-Unis, toutes gouvernées par les mêmes lois et toutes également florissantes. Il faut qu'il y ait dans ces établissements un principe bien sain et bien puissant qui assure leur succès, car ils ont partout à combattre l'opinion et le ridicule qui s'attachent souvent à tout ce qui est nouveau. Les sociétés sont ordinairement composées d'un nombre égal de femmes et d'hommes. Beaucoup d'entre eux sont mariés. Quant aux autres, il leur est ordonné par la loi de ne point cohabiter ensemble. Leurs observances religieuses se bornent à des danses et à des chants du genre le plus grotesque, et ils les répètent assez constamment pour que cela leur donne beaucoup d'occupation. Cependant, ces gens deviennent riches et puissants partout où ils s'établissent. Tout ce qui sort de leurs manufactures, tout ce que leurs fermes produisent, a toujours la meilleure réputation et se vend au plus haut prix. Ils reçoivent les étrangers avec une grande politesse, et si ces derniers ont une lettre de recommandation, ils sont logés et nourris dans l'établissement pendant tout le temps qu'ils désirent y rester. On ne leur demande pas de se joindre au travail commun, mais s'ils le désirent, on le leur permet. Ce n'est pas sans une grande fatigue qu'on visite le Big Bone Lake. D'après les récits de nos voyageurs, le lieu qui porte ce nom est une couche d'argile bleuâtre, tenace et assez profonde pour le rendre difficile et dangereux à traverser. Il est si pénible de remuer ce sol que personne n'a encore essayé complètement de retirer de son sein les ossements gigantesques qui y sont bien certainement enfouis. On n'a jamais remué l'argile sans en trouver quelques-uns, et je ne doute pas qu'avec de l'argent et de la persévérance, on ne puisse parvenir à en retirer une carcasse de mammouth plus parfaite que celle qu'on a déjà vue. Le temps était arrivé où notre cercle domestique devait se rétrécir. Nous avions l'intention de faire entrer notre fils aîné à Oxford, et il était nécessaire que son père l'accompagnât. Après beaucoup d'indécisions, il fut convenu que je resterai avec mes filles et notre second fils encore une année. Nous étions au mois de février, et nos voyageurs se préparèrent à braver le vent des montagnes. Bien que les plus grands froids parussent être passés, nous leur fîmes faire des vêtements de buffle et des doubles souliers, et ils allaient partir lorsqu'on nous dit que le général Jackson, celui qui venait d'être nouvellement élu président, était attendu incessamment à Cincinnati et qu'il devait se rendre par le bateau à vapeur à Pittsburgh et de là à Washington. Cela les détermina à ne point fixer le jour de leur départ avant l'arrivée du président et de s'embarquer avec lui, si cela était possible, puisqu'on n'avait point jugé nécessaire à la dignité d'un président des États-Unis de lui préparer un bateau particulier. Le jour de son arrivée était néanmoins très incertain, et nos messieurs tinrent tous leurs bagages en ordre afin de pouvoir s'embarquer au premier moment. Cette résolution était à peine prise, qu'on nous dit que le général venait d'arriver à Louisville et qu'il était attendu sous peu d'heures à Cincinnati. Tout devint confusion dans la chaumière de Mohawk. Nous fîmes promptement les paquets, et n'ayant jamais eu l'occasion d'être témoins d'une démonstration de sentiments populaires à l'égard d'un président, nous nous déterminâmes à être présents au débarquement du grand homme. Nous nous rendîmes donc à Cincinnati, et nous nous assurâmes une place sur le port, tant pour voir le premier magistrat que pour observer la réception qui lui serait faite par le peuple. Nous n'attendions que depuis quelques instants, lorsque le bruit de la machine à vapeur et la décharge d'un canon nous apprirent que nous étions arrivés à temps. Une seconde minute amena le vaisseau en vue. Rien dans ce genre ne peut produire un meilleur effet. Le noble bateau à vapeur qui portait le président était flanqué des deux côtés par deux bâtiments presque aussi grands et aussi splendides. Les ponts de tous les trois étaient couverts d'une foule d'hommes. À environ un quart de mille au-dessus de la ville, les canons commencèrent à les saluer tandis qu'ils passaient. Puis ils entrèrent dans la rivière avec un mouvement rapide, quoique majestueux. Les trois vaisseaux étaient si près l'un de l'autre qu'ils ne semblaient qu'une masse puissante sur les eaux. Lorsqu'ils arrivèrent en face du lieu du débarquement, ils en firent gracieusement le tour, et les deux vaisseaux de côté, se séparant de celui du centre, restèrent à quelques pieds en arrière, permettant ainsi au premier magistrat d'entrer seul. Toute cette manœuvre fut parfaitement exécutée, et elle fut réellement d'une grande beauté. La foule qui attendait sur le rivage était parfaitement tranquille. Lorsque le bateau qui portait le général Jackson toucha la rive, les gens qui étaient à bord poussèrent un faible hurrah. Mais aucun signe de bienvenue n'y répondit de la terre. Ce froid silence ne provenait certainement pas d'un sentiment d'indifférence pour le nouveau président. À l'époque de l'élection, il avait été bien décidément le candidat populaire à Cincinnati. Et pendant plusieurs mois, nous avions été assourdis du cri de « Jackson forever », poussé dans les rues par l'immense majorité de la population. Mais l'enthousiasme n'est point la vertu, ou si l'on aime mieux, le vice des Américains. Plusieurs voitures particulières attendaient sur le rivage pour se mettre à la disposition du président, mais elles s'en allèrent sur l'avis que son intention était de se rendre à pied à l'hôtel. Dès qu'on le sut, la foule silencieuse s'ouvrit avec beaucoup d'ordre, lui laissant un espace libre pour passer. Il s'avança, la tête nue, quoique la distance fût considérable et le temps très froid. À l'exception de quelques Anglais, il était le seul qui n'eut pas son chapeau sur la tête. Ses cheveux gris pendaient négligemment, mais non sans grâce, et en dépit de sa rude et maigre figure, il avait la mine d'un gentilhomme et d'un soldat. Il venait de perdre sa femme, et son visage portait l'empreinte d'un profond chagrin. On me dit qu'il s'aimait tendrement, et ce ne fut pas sans une vive peine qu'au moment où il s'approcha du lieu où j'étais, j'entendis une voix s'écrier tout haut « Voilà Jackson ! Où donc est sa femme ?» Une autre voix très aiguë cria au milieu de la foule « Adams forever !» Ce furent les seuls sons qui interrompirent le profond silence qui régnait sur son passage. On entend mieux ces réceptions dans l'Est. Je n'en ai aucun doute, mais comme je ne raconte que ce que j'ai vu, je penche toujours à croire que, quelque méritant que soit le caractère américain, il n'est pas aimable. Mon mari et mes deux fils se joignirent au groupe de citoyens qui suivirent le président à l'hôtel, et lui furent présentés en forme, c'est-à-dire qu'ils furent admis à échanger avec lui une poignée de main. Ils s'embarquèrent sur le même bateau à vapeur qui le portait. J'appris par leurs lettres qu'ils avaient souvent causé avec lui durant le voyage et qu'ils avaient été charmés de sa conversation et de ses manières. Mais en même temps, ils avaient été profondément choqués de la brutale familiarité à laquelle ils l'avaient vu exposé dans tous les lieux où ils avaient mis pied à terre. Je ne résiste point à la tentation de citer un passage de cette correspondance. Il suffira pour faire connaître des habitudes si contraires à nos sentiments européens. Il n'y avait si lourd marinier de l'avant qu'il ne fût introduit auprès du président quand il le voulait, à moins qu'il ne préférât s'introduire tout seul, ce qui arrivait à quelques-uns. J'étais un jour à côté de lui lorsqu'un sale compagnon l'aborda par ces mots. « C'est le général Jackson, je crois. » Le général s'inclina en signe d'assentiment. « Il m'avait dit que vous étiez mort. »« Non, la Providence m'a jusqu'ici conservé la vie. »« Et votre femme vit-elle encore ?» Le général parut frappé au cœur et fit un signe négatif, sur quoi le courtisan conclut sa harangue en disant « Ah, il me semblait bien que c'était l'un de vous deux qui était mort. »